Monsieur, vous aimez vous faire peur? Vous êtes accro aux sensations fortes? Oubliez la chute libre ou le rafting. Pour un vrai saut dans le vide, quittez votre emploi. En perdant votre emploi, vous tombez dans l'angoisse du lendemain. Vous n'êtes plus sûr de garder votre logement, votre voiture, votre femme, et les montées d'adrénaline vous assaillent. En démissionnant, vous faites également une croix sur vos allocations chômage et chutez vraiment sans filet. La survie devient alors votre pain quotidien et la peur du déclassement social vous taraude en permanence. Pour des sensations vraiment fortes, quittez votre emploi. Ça va pas la tête.